catégorie. Ma rhétorique boxe pas dans la même catégorie. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Ok, ok, ok. Yeah. Avant de tester ma dream team, même s'il faut que je vois sous ton futite à l'anus du faux, ma colle vocale à la gouache qu'il te faut. Négro pousse pas, on touche pas un homme comme moi. Oh, tu savais disco, Chico, tu veux quoi par mon zippo? Crameur de fion, ouais, je viens zépo, défoncer les hippos. Crie moi Apollo, crie d'un punch dans ce rap français. Vas-y, batte-moi, joue la toi, Julie Lescaut. Et vois si on flippe des flics, des stups. Si je flippe, si on doit se frite, vite, suce ma bombe de pique. Négro, si t'es blonde, ça stick ma longue dick. Parce que si un petit travesti finit à la dick, moi je dis que ça va péter. Clic, clic, chargé. De spermicide, ma clique va rappliquer. Comme on dit que ça, narcissique ça. Le basique est classique, classé hors catégorie. Ma rhétorique boxe pas dans la même catégorie. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Yeah. 5 voix sur le billard, ça laisse des traces. Si ma gueule se crasse, c'est que j'ai pris des liasses. Tape un smoker dans ton moteur de recherche. Ben chacha, quoi percevoir les séquelles. Pas de bonne compagnie, tous les jours aigri. Mon indépendance lyricale ira construire le pays, c'est sûr. Ma vie n'a pas de sens, juste un but, yo. Fixe ton prix et ainsi soit-il. Combat ta dictature et rassure la censure. Flanque, je serre la ceinture pendant qu'il mise le jackpot. Car la vie est faite de potes, de cratères et des ennemis. Plus je t'occupe de tes ennemis, plus faible sera ta patrie. Alors économise tes forces, écoute le flow sur la patrie. Ben infanterie ici, pendant fonderie. L'essentiel dans la matière, sa force, le mix, ma vie, mes lyrics de héros comme ils disent, mais non. Le basique est classique, classé hors catégorie. Ma rhétorique boxe pas dans la même catégorie. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, ouais. On voit plus réfléchir, tu vois ce que je veux te dire? Ok, ok, ok. Je peux plus réfléchir calmement. Faut MC, faudrait t'arrêter de jacter. À force de cogiter, je m'empêche même d'avancer. Pourtant fais mon possible pour me défaire du passé. Comprends, j'essaie chaque jour de me surpasser. Plus belle n'est pas ma vie, encore moins une sitcom. Je me dois de casser du lyrique sur les nazis homo. Incestueux, pédo, chef d'état, terreau, y'aura de quoi rosser. Pas venu jusqu'ici pour traînasser. Au lieu de ça, charbonne pour le pif, même si on préfère kicker. T'as fait la rime, y'a que ça à faire. Oh, ça c'est des tripes, si on sait. J'ai le seum, mes idées ne sont plus sensées. Quand c'est que je pourrais m'en débarrasser? Une seule échappatoire, je vais me confesser. Je peux pas concilier mon son et ces gens qui veulent nous voir les mains liées. Plutôt faire mon job qu'être rancunier. Le basique est classique, classé hors catégorie. Ma rhétorique boxe pas dans la même catégorie. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, ouais. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Je vais te paraître catégorique, souvent te laisser stoïque. Le pur et dur, je revendique, donc je fais parler le prolique. M6 dans ma ligne de mire, dans un trip mystique. Raconte que de la merde, aucun effort artistique. Je vois tu paniques, te rends compte, ta rime est pathétique. Pendant que tu vises le hit, moi je fais des classiques. Chut, t'écoutes le son de la street, un son qui tombe à pic. Je parie que ça donne un trick, mec. À bout le fric, si tu veux le son qui casse des briques. HWL, tu connais pas, c'est la comptable psychologique. Prends, sans de la graine, cesse de faire des tminiques. Cherche pas à faire des stories, balancer une quelconque critique. Bref, omniprésent sur le terre-terre ou dans la zig. 78, y'a un homme brique rouge, tu connais l'équipe. Arafat, Khomeini, toi-même tu sais toute la clique. Véritable heurti, obligé que tu deviennes fanatique.